Il est tendre, il est beau, attentionné, toujours câlin. Il est fier, il est bon, avec de l'humour très masculin. Il est doux, il est fort, très sensible à mes humains. Il donne de la valeur, il est lui, il est nous, il est bien. Quand il me serre très fort, j'ai juste envie de crier encore. Lorsque son regard se pose sur moi, je me vois mieux que la promise du roi. S'il me dit qu'il m'aime, ces mots me semblent un fabuleux poème. Si par hasard nos peaux se touchent, à tous les coups, ça fait mouche. Dès qu'il s'éloigne de moi, je ressens ce souffle si froid. Et dès que nos yeux se croisent, c'est reparti, tout s'embrase. Avec lui, je vis dans un sentiment de plénitude. L'amour peut être si doux, mais si rude. Et toi, ton amour, il est comment? Il est brun, blond, petit, grand, petit. Toi aussi, tu ne vis plus que pour lui. Et sur simple demande, tu lui donnerais ta vie. Toi aussi, tu les vois, ces étoiles. Quand il est là, ton cœur s'emballe. Tu le vis, ce vrai et insatiable amour, celui qui te fait utiliser toujours. Tu la ressens, cette impression d'être enfin toi, quand tu es là, abandonné dans ses bras. Je sais que tu penses que c'est pour la vie, et même plus long, style l'infini. Et on passe notre vie à se prendre la tête, à se faire la guerre, à imaginer des tempêtes. Au lieu d'ouvrir les yeux, de taire ses pensées, et de ne voir que positif et de l'amour à donner. J'ai fait le choix de suivre cette voie jour après jour. Grâce à mon amoureux, j'ose le vivre, ce parfait amour.